On va parler avec notre ami Serge Cloutier. Il y a un gros tournoi de golf en fin de semaine. C'est pas le tournoi de golf le plus important. C'est pas dans les quatre majeurs, mais c'est peut-être le cinquième gros tournoi. On en parle avec Serge Cloutier. Salut Serge. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Serge, effectivement, dans les catégories, là, t'as les quatre majeurs, puis après ça, c'est lui, hein? Ah, absolument, absolument. C'est les meilleurs joueurs qui se font ce tournoi-là. Tu sais, c'est évidemment, il en manque deux bons. Il manque Tiger, puis il manque Ouais. Koepka qui a déclaré forfait. Mais tous les autres meilleurs joueurs au monde font le championnat de la PGA, qui est en cours depuis hier. Ça va se terminer dimanche. Il y a des joueurs qui ont moins bien joué. Hein. Tu sais, si je regarde les deux premières rondes, là, je regarde McIlroy, qui est un des meilleurs au monde. Sa première ronde, il a joué plus 7. Il a joué 79, ce qui est assez rare dans son cas, mais c'est un terrain qui a énormément d'eau et il faut que tu sois précis. Alors, c'est pour ça que des longs cogneurs, oui, c'est important, mais ils ne prendront pas toujours le driver parce qu'ils veulent rester le plus possible dans l'allée. Alors, ils vont prendre des hybrides ou des bois 3, des bois 5, des bois d'allée, comme on dit, pour essayer d'avoir des bons coups sur le deuxième coup, là. Alors, à ce moment-là, ben, ça permet aux joueurs d'avoir des meilleurs pointages, évidemment. Puis là, si on regarde un petit peu où on est rendu, là, ben, c'est Lee Westwood qui a perdu la semaine passée contre DeChambeau au dernier trou. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de suivre ça, mais Ben, ça s'est j'ai heurté. entendu, je suis pas un grand connaisseur de golf. J'ai entendu parler des coups de Deschambault. Apparemment que c'était quelque chose, apparemment. Ben écoute, il est devenu le plus long cogneur, mais à force, ce gars-là, ce qui est remarquable dans son cas de Chambeau, là, c'est qu'il a pratiqué, il a été tenace, il a pris du muscle, puis il s'est entraîné pour devenir un des meilleurs. Peut-être qu'il va devenir le meilleur à la fin de l'année, là, mais il frappe la balle. Ça n'a pas de bon sens. Le Beal, le tournoi Arnold Palmer, là, il joue ça au Beal à Orlando. Le trou numéro 6, il a 375 verges, un par 5. Les gens qui suivent le golf, 375 verges, un par 5, ils partent à rire. Parce que un par 5, normalement, c'est 550, 525. Là, il y a 375, sauf que l'eau commence au départ puis elle finit au vert. Alors, tu vois un peu la dimension, là. Pour traverser le lac, pour t'en aller vers le vert, il faut que tu frappes 370 verges dans les airs. Pour une raison, c'est que tu ne peux pas rouler, là. Elle tombe dans l'eau. Alors, lui, il a frappé l'autre bord de l'eau dans la trappe de sable à peu près à 25 verges du vert. Ça n'a pas de bon sens. C'est un phénomène. Jordan Spieth était sur le trou en avant, puis les gars l'applaudissaient. Tellement ce gars-là est rendu là, qui frappe fort. Parce que bien des fois, les gars vont frapper dans l'allée 335, mais elle va rouler 25 verges. Elle finit à 360. Mais là, il fallait que tu frappes 365 et plus pour traverser l'eau. D'ailleurs, c'est le seul golfeur de tous les temps qui a réussi à traverser ce trou-là. Ça te donne une idée. John Daly a déjà essayé. Puis tu sais que John Daly frappait fort. Il a déjà essayé. Il a envoyé 6 balles à l'eau. Il a joué, je pense, c'est 14 sur le trou. Alors, ça te donne une idée. Mais DeChambeau, là, puis là, DeChambeau, au moment où je te parle, là, il est à moins 6. Puis le meneur, c'est Lee Westwood, justement, qui était avec lui jusqu'à la fin, là, la semaine passée, qui est le meilleur à venir jusqu'à maintenant, à moins 8 après deux rondes. Lui, il a même pas complété encore sa deuxième ronde. Il était rendu au 14e trou, mais lui est à moins 8. Il y a Chris Kirk qui est à moins 7. Garcia, il est à moins 7, puis il était à moins 7 lorsqu'il a débuté sa journée. Mais là, il a fait un mauvais trou, puis il est égal avec le par. Fait que notre ami, là, M. DeChambeau, pas besoin de te dire qu'à moins 6, il est dans la course pour la fin de semaine. Dis-moi, est-ce que ça peut être une place où le terrain pourrait, il pourrait arriver du vent en fin de semaine, il pourrait arriver où c'est, faut pas ça, où ça, le terrain est assez calme et les conditions risquent d'être pas mal neutres en fin de semaine. Ouais, mais c'est parce que, oui, on ne sait pas si le vent va se lever, mais Ouais. il fait beau pour OK. l'instant, sauf que OK. les vers sont ondulés et sont rapides, ça n'a pas de bon sens. Tu vois les gars là, qui s'installent pour faire leur coup Ouais. avec le putter, là, OK. puis ils donnent un petit coup seulement tellement la balle roule. Alors, bien souvent, les gars vont se faire prendre parce que tous les golfeurs, là, même si DeChambeau frappe à 375, la majorité des golfeurs aujourd'hui frappent en haut de 300. Fait qu'ils prennent la majorité des verres en deux. Celui qui va putter le mieux en fin de semaine va gagner. C'est là que ça se décide. Alors, c'est sur le fer droit, comme on dit en bon français. OK. Alors, le putter, le fer droit, si tu pottes une fin de semaine, tu peux gagner. T'as beau frapper 375, si tu pottes pas, tu gagneras pas. OK. Serge, on se reparle peut-être lundi soir pour faire un bilan de tout ça. Ouais, puis j'ai hâte de voir comment DeChambeau, puis d'autres golfeurs qui sont dans la course également. John Rahm est là, parmi les meilleurs. Ostuzen est là également. Jason Day est parmi les OK. meilleurs. Paul Casey. Alors, ça va être le fun lorsqu'on va se reparler de lundi. Si j'avais un petit pari à faire, là, je pense que DeChambeau a encore de fortes chances de gagner. OK, on se reparle justement de ça lundi. Notre ami Parfait, merci beaucoup. Serge Cloutier.